Je suis fatiguée, maman. Servir le rôti. Ça va, je vais apporter le rôti sur la table. Voir la nourriture, ça va calmer les nerfs de monsieur. Et nous marchons avec amalgame, le corps en morceaux. Le corps en morceaux. Et nous marchons sur cet amalgame, le corps en morceaux. Après, après, il ne faut pas de mots de plus. Tu n'as pas honte. Table. Quand la nourriture, ça va calmer les nerfs, monsieur. Je vois, c'est quelque chose. Je suis fatigué, maman. Il aurait pu tremper jusqu'au dos, j'aurais dû déshabiller, sécher. Pas de vous aimer les trucs. Mais si c'est comme ça, ça fait dans l'eau. Une vieille dame qui s'accroche à ce qui leur passait. C'est bien quand c'était vivant. Et c'est le rythme du temps qui dort encore. Thank you.